Et je te jure, là, elle me sort un énorme paquet de cartes. Mais genre, big comme ça! Et elle me dit, le duo? Mais c'est has-been depuis longtemps. Tu te rends compte? Le quarto! J'aimerais tellement vivre à cette époque! Et je te jure, là, elle me sort un énorme paquet de cartes. Mais genre, big comme ça. Et elle me dit, le duo? Mais c'est has-been depuis longtemps. Tu te rends compte? Le quarto! J'aimerais tellement vivre à cette époque. Et je te jure, là, elle me sort un énorme paquet de cartes, mais genre big comme ça. Et elle me dit, le duo, mais c'est has-been depuis longtemps. Tu te rends compte? Le quarto? J'aimerais tellement vivre à cette époque. J'y ai pensé, figure-toi, mais ça marche pas. Avec la montée des eaux, je serai remontée d'ici 40 ans. J'y ai pensé, figure-toi, mais ça marche pas. Avec la montée des eaux, je serai remontée d'ici 40 ans. J'y ai pensé, figure-toi, mais ça marche pas. Avec la montée des eaux, je serai remontée d'ici 40 ans. Ah bravo, moi je te suivais. On fait comment, now? Bah, bravo. Moi je te suivais, hein. On fait comment, Mao? Ah bravo! Moi je te suivais! On fait comment, Mao? Oh la barbe! Oh la barbe! Oh la barbe! Bonjour, Capitaine Leto! Bonjour, Capitaine Leto! Bonjour, Capitaine Leto! Lui, c'est Durandil. Laurandil, pardon. Lui, c'est Durandil. Oh, Laurandil, pardon. Lui, c'est Durandil. Oh, Laurandil, pardon. J'ai trop hâte de voyager dans le time. Youpi! J'ai trop hâte de voyager dans le time. Youpi! J'ai trop hâte de voyager dans le time. Youpi! Ne nous dites pas que vous ne vous rappelez pas du chemin pour rejoindre le hall. Ne nous dites pas que vous vous rappelez pas du chemin pour rejoindre le hall. Ne nous dites pas que vous vous rappelez pas du chemin pour rejoindre le hall. C'est bon, Blast! On est arrivé! Merci de nous avoir guidés. Je raccroche. Bye bye. C'est bon, Blas, on est arrivé. Merci de nous avoir guidés. Je raccroche, raccroche. Bye, bye bye. C'est bon, Blas, on est arrivé. Merci de nous avoir guidés. Je raccroche, bye bye. Tu ne devrais pas demander où, nom de Zeus, mais quand? Tu ne devrais pas demander où, nom de Zeus, mais quand? Tu ne devrais pas demander où, nom de Zeus, mais quand? Wow, ok. Wow, ok. Wow, ok. Si je peux me permettre, vos archives historiques sont un peu à la ramasse. Si je peux me permettre, vos archives historiques sont un peu à la ramasse. Si je peux me permettre, vos archives historiques sont un peu à la ramasse. Donnez voir ça. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Voilà, le B415, avec cette petite antenne externe. C'est ça qu'il nous faut. En termes de solidité, on est sur du similaire. Allons en 1999. Nous pouvons être sûrs d'en trouver un. Donnez voir ça. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Voilà, le B415, avec cette petite antenne externe. C'est ça qu'il nous faut. En termes de solidité, on est sur du similaire. Allons, en 1999, nous pouvons être sûrs d'en trouver un. Donnez voir ça. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Voilà, le B415, avec cette petite antenne externe. C'est ça qu'il nous faut. En termes de solidité, on est sur du similaire. Allons en 1999, nous pouvons être sûrs d'en trouver un. Bah, y'a rien qui se passe! Pardon. Bah, y'a rien qui se passe! Bah, y'a rien qui se passe! On va voir Chrome? On va voir Chrome? On va voir Chrome? C'est tout qui? C'est Tuki. C'est Tuki. On peut essayer de sortir de là avant que ça finisse en Golden Shower? On peut essayer de sortir de là avant que ça ne finisse en Golden Shower? On peut essayer de sortir de là avant que ça finisse en Golden Shower? Chut! Chut. Chut. Taisez-vous. Regardez. Taisez-vous. Regardez. Taisez-vous. Regardez. Oui, c'est un bedroom. Une chambre à coucher. Oui, c'est un bedroom. Une chambre à coucher. Oui, c'est un bedroom, une chambre à coucher. Quoi? Vous vous attendiez à trouver des pots de bêtes accrochés au mur? Quoi? Vous vous attendiez à trouver des pots de bêtes accrochés au mur? Quoi? Vous vous attendiez à trouver des pots de bêtes accrochés au mur? Oui, c'était une croyance fermement ancrée à l'époque. Beaucoup croyaient que ce serait la fin du monde. Oui, c'était une croyance fermement ancrée à l'époque. Beaucoup croyaient que ce serait la fin du monde. Oui, c'était une croyance fermement ancrée à l'époque. Beaucoup croyaient que ce serait la fin du monde. Et oui, ça date tout ça. Et oui, ça date tout ça. Et oui, ça date tout ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ces histoires de voyage dans le temps, ça me retourne le cerveau. Ah oui, c'est vrai. Ces histoires de voyage dans le temps, ça me retourne le cerveau. Ah oui, c'est vrai. Ces histoires de voyage dans le temps, ça me retourne le cerveau. Hé, le jeune homme à bon goût, c'est une coque Star Wars. Hé... Le jeune homme à bon goût, c'est une coque Star Wars. Hé, le jeune homme à bon goût, c'est une coque Star Wars. On a affaire à un fan, vu les posters partout dans la chambre. On a affaire à un fan, vu les posters partout dans la chambre. On a affaire à un fan, vu les posters partout dans la chambre. Star Wars. Mon Dieu. Alors ce type en train de dormir là, c'est... Star Wars. Mon Dieu. Alors ce type en train de dormir là, c'est... Star Wars. Mon Dieu. Alors ce type en train de dormir là, c'est... Mais c'est qui alors? Mais c'est qui alors? Mais c'est qui alors? Mitch? Mitch TSM? Mitch? Mitch?

te tient, Mitch. Elle est là, tout autour de toi, partout, everywhere. Tu sais ce que tu dois faire. Elle est là, tout autour de toi, partout, everywhere. Tu sais ce que tu dois faire. Elle est là, tout autour de toi, partout, everywhere. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, écris mon histoire, Mitch, et celle de Kriditi. Laisse tomber toutes ces idioties galactiques, laisse-les à d'autres, et tout rentrera dans l'ordre. Oui, écris mon histoire, Mitch, et celle de Kriditi. Laisse tomber toutes ces idioties galactiques, laisse-les à d'autres, et tout rentrera dans l'ordre. Oui. Écris mon histoire, Mitch, et celle de Kriditi. Laisse tomber toutes ces idioties galactiques, laisse-les à d'autres, et tout rentrera dans l'ordre. Je dois partir. Adieu ! Je dois partir. Adieu ! Je dois partir. Adieu ! Oh, ça s'est joué à ça. Ça s'est joué à ça. Ça s'est joué à ça. Ah, c'est une longue story. C'est une longue story. C'est une longue story. Ouais, on dirait. Oui. On dirait. Oui, on dirait. Il faut que j'en aie le cœur net. Blast, quel est le nom de l'entreprise ? Faut que j'en aie le cœur net. Blast, quel est le nom de l'entreprise ? Faut que j'en aie le cœur net. Blast, quel est le nom de l'entreprise ? The name, Blast ! The name, Blast ! The name, Blast ! Ah, Mitch ! Tu es là ! Ah, Mitch, tu es là ! Mitch, tu es là ? Mais au moins ça a marché. Mais au moins ça a marché. Mais au moins ça a marché. Oh mais si, c'était nécessaire pour que tout ceci puisse exister. Oh mais si, c'était nécessaire pour que tout ceci puisse exister. Oh mais si, c'était nécessaire pour que tout ceci puisse exister. Exactement. Exactement. Exactement. Ah, c'est ça qui fait tout le piment de la vie, n'est-ce pas ? C'est ça qui fait tout le piment de la vie, n'est-ce pas ? C'est ça qui fait tout le piment de la vie, n'est-ce pas ? Tiens, fais-toi plaisir. Tiens, fais-toi plaisir. Tiens, fais-toi plaisir. Ça fait 23 ans qu'il se retient. Un vrai record. Ça fait 23 ans qu'il se retient. Un vrai record. Ça fait 23 ans qu'il se retient. Un vrai record.